La revue d'internet russe Lemchichi a inséré l'article « La constitution socialiste pour le peuple ». En présentant en détail la constitution socialiste coréenne, l'auteur a écrit « La République populaire démocratique de Corée sauvegarde les exigences indépendantes et les intérêts des masses populaires laborieuses et en tant que responsable de la vie du peuple assure toutes les conditions d'alimentation, d'habillement et de logement ».